Mais c'est nickel. On commence l'émission avec Kaiser Panda sur NRJ. C'est parti, c'est le best-of de Maine dans le 6-9. Koé, Laurie Cochot et Mickaël sur NRJ. Suéltate el pelo y salta de la cama. Estamos ready, la noche muy larga, así que vamos a quitarnos toda la caña. Si tú estás bien, habla portugués, conmigo mujer, y si no pues tú no ven. Esta noche yo voy a hacerme con el parque. De noche me floco como Yandel. Merci beaucoup, je me suis même pas présentée tout à l'heure. Je m'appelle Marie. Et pour la suite de la playlist Énergie, voici Panic at the Disco. Et juste avant, c'est l'un des meilleurs extraits de l'émission de Mickaël, 23h sur Énergie chaque soir. Bah, appel bienveillant, hein, Christophe. Bah oui, allons-y. Avec, allez, d'information. Quand Toff le dit, tout le monde s'en fout. Mais quand c'est Kim Kardashian qui dit que le jus d'ananas. D'ananas, hein, Toff, c'est ça. Oui, c'est ça, d'ananas. The pineapple. The fucking pineapple. Améliore le goût du sperme, eh bien, ça fait 3,5 millions de likes. Une information confirmée par le docteur Kouchik de l'Institut d'Urologie d'Austin au Texas, Samina. Oui, bah rien que ça, Kouchik, déjà ça commence bien. Oui, enfin bon, quoi, c'est son nom, c'est comme ça. Coucherie et chic, oh là là. Bref, quoi qu'il en soit, c'est ta beste Kardashian, là, Kim, qui a dit ça. Mais c'est pas ma beste du tout, hein. Si, c'est ta beste. Mais vous êtes sérieux ou quoi? C'est vous. Assista. Mais c'est vous qui êtes obsédé par les gros boules et par le contouring. Bah, absolument pas, je suis pas fan, moi, des gros boules. Et donc, elle sous-entend qu'elle l'a goûté. Oui. J'imagine, oui. Mais visiblement. Savoir oui. Que ça a le goût d'ananas. Bah, elle a bouffé son placenta en même temps, donc je pense qu'elle a. Ah oui, c'est vrai. Hein. C'est, on n'est plus à ça près. Hein. Donc, du coup, Toff, tu vas annoncer la bonne nouvelle à tes amis? Bah, évidemment. On y va grâce au numéro, comme d'hab, que vous envoyez sur toph@energie.com. C'est parti. Puis on récupérera donc Paul, Thierry et Séverine juste après, comme promis. Allô? Oui, allô? Oui. Oui, bonsoir monsieur. Je vous appelle parce qu'en fait je voulais savoir, est-ce que votre femme elle est satisfaite par le goût de votre sperme? C'est quoi? Est-ce que votre femme quand elle avale votre sperme elle aime le goût? Ouais. Mais non, c'est pas une connerie monsieur, c'est une question sérieuse. Ouais, bah moi aussi, je vais te dire sérieux. Elle aime les goûts de quoi? C'est qui? C'est-à-dire, je comprends pas, monsieur. Qu'est-ce que vous essayez de me dire? Vas-y, répétez votre question. Bah, je voulais savoir si votre femme, elle aime le goût de votre sperme. Ah ouais, elle aime bien. Elle aime bien? Eh bah, tant mieux, monsieur. Bah, je suis content pour vous, alors. Hein. Ah ouais? Bon, eh ben, on souhaite une bonne soirée, on se fait des poutous. Et la tienne, elle est bien? Bah, moi, j'ai pas de femme, maman, elle veut pas que je ramène des filles à la maison. Ah bah, faut le branler alors. Bah, oui, c'est ce que je fais, mais bon, après, y a personne pour goûter, quoi. Bah, voilà, bah, t'as qu'à goûter toi. Ah bah, Bah, tu te mets à genoux et puis tu te goûtes toi-même. Ah, oui, je fais comme ça, ah, oui. Ah, c'est tout, d'accord, ok, très bien, elle a déjà raccroché. On va rappeler. Bah, oui, je te confirme, on va rappeler ça de suite, immédiatement. C'est parti. Présente-main, preste-main. Oui, je m'excuse, mais on n'a pas fait de poutou, on s'est pas souhaité une bonne soirée. Ah, allô, monsieur? Ah, va faire sucer. Bah, pourquoi vous voulez que j'aille me faire sucer, monsieur? Parce que, en fait, maman, elle voudra jamais que j'emmène des filles à la maison. Ah, pourquoi tu nous emmerdes au téléphone? Bah, je vous emmerde pas au téléphone, madame. Vous avez oui. Bah, non, vous avez on se connaît pas? Bah, non, on se connaît pas, mais on peut se souhaiter une bonne soirée, madame, on n'est pas des sauvages. Ah, bah, t'as pas à nous téléphoner? Bah, si, puisque je voulais savoir si vous étiez satisfaite. Mais là, c'est une tape de foot. Bah, comment ça, qu'est-ce que ça peut me foutre? Bah, ouais, qu'est-ce que ça peut te foutre? Bah, c'est parce que moi j'avais. Si. Là, t'as enregistré. Mon vieux, il est là, il est fantasme. Bah, d'accord. T'as ton numéro? Bah, je peux vous le donner, madame, ça ira plus vite. Ah, bah, donne-le là. Alors, c'est 0140. Ouais. 71. Ouais. 50. Ouais. 00. Ouais, mon cul avec. Bah, pour qu'est-ce qu'il a à voir, votre cul, madame, je comprends pas. Hein? Allez, redemande-le ton numéro. Alors, 0140. 71. 50. 00. Ouais. Voilà. Ouais. Mais, ah ouais. Mais parce que moi j'avais une bonne nouvelle à vous annoncer. Si vous n'aimiez pas le goût, il y a des solutions, madame. C'est ça que je voulais vous dire. Ouais, allez, va te faire foutre. Oh, mais enfin, madame, pas de ça entre nous. Je croyais qu'on était presque amis. Allô? Oh merde. Bon, on rappelle. Ils avaient l'air plus opé. Oui. Madame est plus opé que monsieur, visiblement. On rappelle. Non, ça veut pas avoir... Oui, allô? Après, t'auras fini, tu le diras? Bah, dès que vous aurez répondu, madame. T'en es pas obligé de s'énerver, on peut parler calmement. Ça, c'est toi qui fais, c'est pas moi. Bah, c'est gratuit, vous savez, madame. Moi, j'ai free, j'ai tout compris. Bah, moi aussi. Ah, bah, parfait. Bon, et donc, alors, vous êtes satisfait ou pas par le goût? Allô, allô? Allô, madame? Elle a raccroché. Si vous avez des numéros de téléphone à proposer, envoyez ça sur toph@energie.com. Mickaël. Rendez-vous ce soir dès 23h sur Énergie. Et toujours sur Facebook, Twitter et Instagram. Et Mickaël officiel. Allez, sérieux, bon réveil tout le monde avec Énergie. Le Rico Show, bah d'ailleurs, c'est ce soir sur Énergie, 20h-23h. Franchement, écoutez, je voulais partager ça avec vous pour tous ceux qui bossent ce matin ou qui se lèvent maintenant. Le podcast du Rico Show, 20h-23h. Sur Énergie. Les amis, on parle des CV. Et Sarah, a priori, ton CV, oula, il est fourni. Hein. Puisqu'on détaille les CV de l'équipe, il est fourni. Alors, waouh. Waouh, mais il y a que des trucs là-dedans. Réception téléphonique, accueil des visiteurs, vérification des notes de frais, gestion des dossiers intérimaires, secrétariat des différents services, travaux administratifs, tenue du stock, affranchissement et dépose de machin, dispatching. Waouh. Interface avec la banque, rédaction des emails, gestion du planning, préparation des éléments. Oh là là, elle a un livre sur son CV, que de trucs en plus relou. Gestion du courrier, commande des fournitures, rédaction des contrats d'intermittents du spectacle, accueil des VIP. Waouh. Ça va. Ah, c'est la foire fouille là-dedans. C'est la foire fouille, tu sais pas quoi prendre là-dedans. Mais c'est trop texte. C'est une technique, ça. C'est genre, tu mets plein de trucs, comme ça t'embrouilles le patron, et t'es là, bon, bah allez, vas-y, ça dégage. Hein. Les gars, j'avais pas vu, il fait 3 pages. Non. Oh là, mais Sarah, putain. Ça remonte à quelle année, Rico? Oh là là, mais c'est récent, ça. Hein. J'en peux plus. C'est récent, heureusement qu'on est venu te chercher, Sarah. Hein. C'est vrai. Et le CV, il va jusqu'en 2005. Oh, ah, truc, ouais. Est-ce qu'on a besoin de savoir de ce que tu faisais il y a 15 ans? Bah oui, pour qu'on voit que je suis une bosseuse. Oh là là. Alors, Sylvain, c'est quand même peut-être ce qu'il y a de mieux. Plus light. D'ailleurs, on va prendre Frédéric qui va lui faire une vanne. Vous savez, il était là en début d'émission, il veut faire une vanne à Sylvain. Ah, ça va, mon Fred? Ouais, ça va, toujours là. Hein, salut, mon Fred. Hey, mon Fred, est-ce que toi tu mitonnes sur les CV, mon petit poulet? Ah, moi ça m'est déjà arrivé, ouais, puis bien sévère. Hein. Ah, moi, raconte. J'ai déjà raconté que j'avais 5 BEP dans différentes catégories. Les mecs étaient menuisiers, coiffeurs, veto. C'est qu'avec mon âge, ça correspondait pas. Ah ouais, tu m'étonnes. T'avais pas eu le temps, t'avais pas eu assez d'années pour faire autant de BEP, quoi. Exactement. Mais le pire, c'est que c'est passé nickel. Arrête. Je te jure, j'ai déjà été pris dans une société où c'est que j'avais jamais fait, c'était je crois de la métallurgie, je crois. Ouais. J'avais jamais touché un truc, et ils m'ont pris normal, hein, parce que j'avais le BEP. Hein. Oh là là, et il s'est coupé un doigt depuis. Hein. non, mais je te jure, je suis pas resté longtemps, hein, je te rassure. J'avais même falsifié carrément un document qui me donnait mon diplôme et tout. Hein. Arrête, ça faut pas trop le dire. Arrête, bon, ouais. C'est pas dur. Ouais, c'est chaud. Moi, je vous raconterai, j'ai falsifié un CV de ma mère. Bah oui. Il m'est arrivé une bricole avec ça. Je vous expliquerai après. En attendant, on s'intéresse au CV de Sylvain. Les amis, Sylvain, c'est simple. Frédéric, quand tu cherches du travail, tu parles des expériences professionnelles, on est d'accord? Bien sûr, oui, ça paraît logique. Alors lui, les 3/4 de la page de sa page parle de palmarès sportif. Non. Donc, le mec, déjà dans formation, il y a une ligne. C'est quoi? Juillet 98. Diplôme national du brevet. Ah bien. Il l'a le noté. Jour de la Coupe du Monde. Bravo mon Sylvain. Bah écoute, c'était un choc pour tout le monde. Hein. Je veux dire que Chirac est venu lui remettre le brevet. Il a fait les bleus et Sylvain, il a fait 2 cérémonies. Truc de ouf. Les amis, il a ça. Concernant son expérience professionnelle, ça va très vite. Il a été agent de sécurité entre 2005 et 2007. Il a été adjoint de sécurité au commissariat du 16e arrondissement de Paris de 2000 à 2005. Donc Sylvain a été flic pendant 5 ans. La France va bien. Et de 98 à 99, il était stagiaire scolaire, entreprise Peugeot Vesoul. Ah oui, stagiaire scolaire. Voilà. Ouais. Alors, les amis, je vais vous annoncer maintenant, du coup, le reste du CV. Oui. Alors, palmarès sportif. Actuellement licencié au Budo Club de Thiers. Licencié au Racing Club de France pendant 6 ans. 2006, deuxième de l'Open à New York. Troisième au tournoi de Turquie. 2005, titulaire à la Coupe d'Europe avec le Racing Club de France. Troisième au tournoi du Danemark. Cinquième au championnat de France. Il n'a rien gagné en plus, putain, il n'a jamais rien gagné. 2004, vice-champion d'Europe. Pas encore pour cette fois. 2001, troisième au tournoi de Monaco. Oh, pas encore pour cette fois. 98, troisième au tournoi international de France. Attention, troisième au championnat de France. Et puis en 97, troisième au championnat de France. Alors. C'est bien, les amis, il a quand même été champion de France. Ah, ouais. Quand? De première division par équipe. Rico. Ouais, Fred. Rico. Ouais. C'est pas un CV, c'est un almanach des sports. Mais c'est vrai, il croit qu'il va trouver du taf, tu sais, sur l'empathie, quoi. Et non, mais c'est vrai, c'est comme moi, je collectionne en fait tes petits cochons. Premier, voilà, où tu collectionnes les chiens, tu sais. Ouais, tu l'as toiletté, etc. Ouais. Premier prix canin avec Rudy. Non, mais c'est vrai. Premier prix avec Bobby Canin du meilleur poil en 2003. Bah, je suis obligé de combler, hein. Attends, t'imagines. Bah, ouais, t'es obligé de combler les trous. Ah, hein. Oui. Alors, si, il a été champion de France. Ah, de première division. Donc, je soupçonne que.

the new me is really still the real me. I swear you gotta feel me before they try and kill me. They gotta make some choices, they running out of options. Cause I've been going off and they don't know when to stop. And when you get to top and I see that you've been learning. And when I take you shopping, you spend it like you earned it. And when you popped off on your ex, he deserved it. I thought you would've won from the jump, that confirmed it. Track money, Benny, I buy you champagne, but you love some Henny. From the block like you Jenny, I know you special, girl, cause I know too many. Risha, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you. And I'm down for you always, JT. Do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you. And I'm down for you always. Bad bitches and we kissing in a wave, kissing, kissing in a wave, kissing, kissing in a wave. I need that black card in the cold to the safe, cold to the safe, cold, cold to the safe, safe. I show 'em how to network, but that Netflix and chill. What's your network? Cause I want you and I need you and I'm down for you always. Yeah, yeah, and I'm down for you always. Yeah, yeah, and I'm down for you, down for you, down for you always. Il y aura Offenbach dans la playlist Énergie. J'adore ce son. Et Mickaël, c'est le mode best-of activé. Bon réveil tout le monde. Kevin est avec nous maintenant. Bonsoir Kevin. Bonsoir tout le monde, ça va l'équipe? Ça va et toi? Yo. Performe impeccable. Bon, eh ben j'ai envie de te dire tant mieux. Sois le bienvenu. Alors, tu voulais réagir par rapport à ce que vous avez déjà bouffé de bizarre, comme l'actrice américaine là, qui a mangé son placenta. Oui, voilà, c'est bien ça. Bon, alors qu'est-ce que tu voulais dire, toi? T'as déjà mangé du placenta? En fait, je mangeais, puis je mangeais une salade. Ouais. Et le puis, placenta. Non, une salade normale. Ah, d'accord, ok, nous voilà à peu près rassurés. Moi, je croyons que tu. Tu sais que tu vas finir par parler comme ça, je sais, de la gueule du JB. Je me fous pas de sa gueule. Non, mais... c'est très poétique. C'est ça, ouais. Bon, et donc, vas-y. Et puis, sans faire esprit, j'ai comparé en fait à un champignon et une limace. Je croyais que c'était un champignon, et sans faire esprit, j'ai mangé une limace et j'avais la bouche baveuse, et puis je suis sorti dehors, j'ai gerbé. Ah, c'est bien. Allez, ça, non. Bon appétit. Ouais, après j'avoue, ouais. Vous êtes déjà tombé sur des insectes dans votre bouffe ou pas vous? Non, moi jamais. Jamais. Moi ça m'est arrivé, ouais. Ça arrive, ouais, des bêtes. T'as trouvé quoi? Mouches. Un ver dans une pomme, et ça n'a rien à voir avec la base des bases. Mais non, et une limace aussi dans la salade, mais salade en plastique, trop bizarre. Ah ouais. Ça, c'était mal lavé, sachet, ouais, c'est quoi. Bizarre ça. Je te jure, dans le sachet, la limace. Dégueulasse. Bon, je vais le croire, hein, c'est pas ça, mais bon. Bon, bah, d'accord. Donc du coup, Kevin, t'as tout gerbé. Donc résultat, t'as fait une mauvaise opération. Voilà, t'as tout payé pour. Ah bah oui j'imagine. Mais ça me dégoûte moins parce que je vais pas le manger mais que des cheveux par exemple. Ça peut les cheveux tu sais, ah ouais, quand cheveux, en train de manger. Peut, ça tu peut trouves des cheveux ça peut me faire vomir. Les cheveux si tu es sûr que c'est un cheveu ça peut être désagréable certes. Ah ouais. Mais alors si c'est un poil. Mais un poil de quoi? Duc. Bah tu peux pas savoir quoi qu'il arrive. Genre le serveur il a frotté son boule à ton plat. Bah, tu sais pas ça peut être un poil de bras ou j'en sais rien mais ça reste un poil peu importe d'où il vient. Il y avait bien les mecs du Domino's qui se passaient la pâte dans le caleçon. Ouais mais bon. Ah ouais il paraît. Ouais c'est vrai mais bon. Il paraît pas il y a une vidéo. Oui c'est vrai c'est vrai. Bon bah écoute bah, merci Kevin d'avoir appelé. À bientôt Kevin, salut à toi. À bientôt. Ciao. Diego est avec nous à Toul dans le 54. Salut Diego. Bah salut l'équipe. Salut tout le monde. Salut à toi. Comment vas-tu? Bah ça va nickel, attends j'enlève le kit Malif de non ça va tu peux le laisser le son est bon là. Ouais ok cool nickel cool. Bon alors raconte qu'est-ce qui se passe Diego? Ouais bah pareil pour réagir à un truc un peu insolite qu'on a mangé. Moi j'ai mangé des yeux de poule en fait. Des yeux de poule. Ouais en fait c'est quand j'étais à l'armée, ça remonte à 2007. Ouais. Dans mes classes, l'époque de la canicule, tout ça, ben on était quatre groupes, les responsables de chaque groupe s'étaient fait punir parce que L'armée avait fait acheter justement des packs d'eau parce qu'il y avait la canicule, ils voulaient pas qu'il y ait de problème. On partait pour une marche de 2 jours et la plupart des gars avaient pas pris de flotte en plus, quoi. Donc du coup, au final, au bout de 2 heures, ils avaient tous soif et les cadres, ils étaient pas très contents, quoi. Je veux dire les encadrants, quoi. Ah ouais. Donc pour nous punir le soir au niveau du bivouac, eh ben ils avaient charcuté une espèce de poule. Et, oh non. Ils avaient mis bon, il y avait les yeux. Après ils avaient dit qu'il y avait un cerveau. Le reste c'était je crois du poumon et je sais pas quoi. Il fallait choisir les 4 chefs de groupe en fait incriminés devaient choisir notre punition, quoi, ce qu'on devait manger. Moi j'avais choisi les yeux. Je croyais que c'était le plus simple. C'est bien parce qu'ils vous laissent le choix de la punition en plus. Bah voilà, c'est cool, voilà, quand même. C'était ça. C'était pour apprendre un peu. C'était pour voilà, pour nous punir devant le groupe, quoi. C'était cool, hein, j'avais bien aimé. Ça a pas trop de goût. Je l'ai avalé comme ça. Tu sais. Oh. Voilà. Et genre, vous l'avez vu buter le. Mais oui, c'est des militaires. Ouais, enfin ouais, la poule était déjà morte, mais ils avaient déjà récupéré ce qu'ils bouffaient, quoi. Et là, ils avaient rassemblé la section, quoi. On était les 4 groupes avec les 4 chefs de groupe de la journée, quoi. C'était nous. On venait de monter le bivouac, on était bien fatigués, on avait soif et tout. Et ils ont charcuté la poule devant nous. Ils ont dit, vous choisissez. Ah. Soit ça, soit on repart marcher toute la nuit. Bah, fallait marcher. Ah, franchement, je crois que j'aurais préféré marcher. Non, mais après, tu vois, j'étais pas supérieur à mes camarades. Moi, j'étais chef pour la journée. Et non, justement, c'est comme ça que t'apprends un peu la cohésion, quoi. C'est à l'écoute. Bah, là, j'ai ramassé pour tout le monde, quoi. En fait. Moi, j'aurais fait la grève. Et du coup, mais c'est pas, en fait, c'était pas la vraie punition. Parce que la vraie punition, c'est que dans la journée, en fait, personne n'avait de la flotte. Tout le monde avait bu dans la rivière qui coulait, en fait. La pêche, on était une quarantaine, et sur la quarantaine, il y en avait bien une quinzaine qui ont eu la chiasse toute la nuit, quoi. Ah, sympathique. Voilà, à boire l'eau de la rivière, quoi. Eh ben, merci pour cette petite histoire, dis donc, qui va certainement donner la chiasse encore à Toff, qui va encore en profiter pour aller au chiot. Mais j'y vais immédiatement, d'ailleurs. Ben voilà, hop là, comme d'habitude, ça y est, ça, c'est fait. Eh ben, tu nous rappelles quand tu veux, en tout cas, Diego, merci beaucoup. Pas de problème, Mickaël. Salut, Diego. À bientôt. Allez, ciao à toi, ciao à toi. Quelle affaire, mais quelle affaire. Mickaël. Rendez-vous ce soir, dès 23h, sur Énergie. Et toujours sur Facebook, Twitter et Instagram. Et Mickaël officiel. This is a private jam. I see you walking with a hippie dance. Your neon skirt pants are turning ugly into Neverland. Yeah, you're smiling and taking my baseball cap. And you're listening to Energy. Il attend vos votes sur energy.fr. Help me. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. laying on the bathroom floor, feeling nothing. I'm overwhelmed and insecure. Give me something I could take to ease my mind slowly. Just have a drink and you'll feel better. Just take her home and you'll feel better. Keep telling me that it gets better. Does it ever? Help me. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up. No medicine is strong enough. Someone help me. I'm crawling in my skin. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. Phone again, feeling anxious, afraid to be alone again. I hate this. I'm trying to find a way to chill. Can't breathe. Oh, is there somebody who could help me? It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up. No medicine is strong enough. Someone help me. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. It isn't in my blood. I need somebody now. I need somebody now. Someone to help me out. I need somebody now. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. Je sais que beaucoup adorent mon ami Rico, alias le Rico Chaussure Energy. Alors juste pour vous, bah voilà, je voulais vous faire plaisir. Écoutez ces 2-3 minutes de son émission. Le podcast du Rico Show, 20h-23h sur Énergie. Il y a Audrey qui elle aussi est envieuse de certaines personnes, de certains comportements. Elle a fait le 0800 70 42 48. Elle vient de Forbach. Ça va Audrey? Oui, salut la famille, salut Aymeric. Ça va Audrey, comment tu vas? T'es en forme? Ah ouais, super, la frite, comme tous les soirs. Oh là là, la frite, la sauce, j'ai la sauce. Est-ce que tu veux qu'on dîne ensemble? Écoute, pourquoi pas. Oula, attention, Sylvain est jaloux. Je t'envie d'ailleurs. Ah oui, ah, je t'envie. Voilà. Un bisou à JM aussi, hein. Vous êtes trois ce soir. Hein. Ah merci, bisous. Ah oui, c'est vrai, alors elle les veut tous. Elle veut tous les ans. Tu veux pas un peu de Sarah au milieu? Ah mais Sarah, c'est ma copine, alors bon, voilà. Ah oui, elle a toujours raison. Oh, merci. C'est vrai qu'elle se bat au milieu des hommes. C'est dur. C'est une super princesse. Princesse. Voilà. Bah, si, j'ai une princesse. On t'aime, Sarah. Cajolez-moi. On te cajole. Merci. On te cajole. Voilà. Audrey, qui t'envie, toi? Ben, moi, j'envie ma meilleure amie. Ouais. Même si je l'aime fort, ben écoute, elle est toujours tirée à quatre épingles. Ah ouais, trois gamins, elle a une vie d'enfer, elle a un job, quoi. Elle est toujours, mais alors maquillée, elle est jusqu'au bout des ongles, elle a le vernis, elle est fringuée. T'as jamais un pli dans les fringues. Oh là là. Elle est peignée, elle est, enfin voilà. Mais est-ce qu'elle est heureuse à 100%, André? Est-ce que t'es sûr qu'à la maison ça va? C'est toujours le truc qu'on dit pour se réconforter. Pas grave. Ah si, elle est heureuse. Ah, si, elle est heureuse. Elle a un c'est super vrai. Chéri, elle a trois enfants, enfin voilà quoi. D'accord. Elle s'éclate donc voilà. Sarah est dégoûtée. Et moi, côté... Audrey, Sarah aussi, elle a envie ta meilleure amie. Elle a dit, elle était verte. Genre, franchement. C'est grave. Hein? On va prendre des cours, Sarah. Je vais t'inviter, aller chez elle, elle va nous donner des cours. Hein. Ah ouais, elle a un mec, ta meilleure amie, Audrey? Ouais. Ah ouais, c'est un chou aussi. Ah ouais, et lui aussi il est impeccable ou est-ce qu'il est pas un peu... Ah, il est toujours tiré à quatre épingles aussi. C'est deux cœurs, vraiment, c'est deux cœurs. Ils sont tous tirés là-dedans. Donc, voilà. Ça cache un truc, ça, il y a un problème. Mais oui. Ah, tout ça. Oh, ouais, je suis... Audrey, t'as toujours un mec, oui. Tu sais, dans les infos et tout, qui dit le voisin était super gentil. Ouais, grave. Et le mec, il a dépecé tout le village. Donc moi, j'opte pour ce truc, c'est des gars, ça se trouve, c'est des gros chelous. Ils s'attachent dans la baraque, ils se mettent des coups de fouet, et un de ces quatre, on va retrouver des morts sous leur plancher. C'est sûr. Laisse-moi me dire ça, Audrey, j'ai besoin de me consoler là-dessus. Ouais, voilà, j'avais compris. Je te mets mon doudou si tu veux. Ah oui, j'aime bien. Surtout si t'as dormi avec, je prends. Sylvain. Voilà. Non, mais en parlant de ça, c'est comme tu vas sur les réseaux là, sur Instagram, tous ces trucs là. Ouais. Oh, les couples là, les Caroline Receveur avec Philippe, je sais pas quoi, Hugo là. Ouais. Oh, j'ai envie de le tarter ce mec là. Mais c'est vrai, ils sont toujours bien chez bon genre. Ils parlent des influenceurs, des gens un petit peu connus sur les réseaux qui s'affichent en couple et qui sont toujours tirés à quatre épingles. Ah ouais, je sais pas, ils partent au bout du monde à chaque fois, ils ont une vie de princesse et de prince. Mais ils se font chier. Tu crois, toi ? Mais oui, ils prennent du thé à la menthe là-bas, là, filtré, refiltré. Du détox de tous les côtés, ils vont pisser toutes les 30 secondes avec leur thé à la mafia. Là. Arrête de les envier, mon tombeur. Ah ouais, c'est pour toi, j'aurais plus Instagram, ça me saoule. Alors que t'envies sa gonzesse, pourquoi pas ? Ouais. Bon, que t'envies leur train-train à deux balles, non ? Ouais, bah moi j'ai pas le même en tout cas. Ah oui ? Moi c'est Montreuil City et j'ai pas le thé. Tu crois, moi j'ai eu tous ces influenceurs, ils sont obligés de prendre des photos aux quatre coins du monde. Bah, on les force, ils se tirent à quatre épingles, ils mettent deux heures à faire la photo derrière, ils doivent la monter, la remonter, la valider. Tout ça pour pas pouvoir péter dans les draps comme ils veulent. Oh là là, mais arrêtez ! Moi je préfère être au Formule 1 et tout péter là-dedans. Non mais sérieux, non mais c'est vrai, sans déconner, tu te retournes, il y a tout l'hôtel qui sait que t'es là. Sans déconner, les mecs ils sont épiés. Non mais sérieux, ils prennent passe deux heures. Putain, l'appareil photo, t'as vu les appareils photo qu'ils ont dans le sable aux Maldives, tu crois pas que c'est l'horreur? Oh là là, c'est vrai que c'est chiant d'être beau, d'être riche, de voyager partout gratuit, c'est chiant. Oh, c'est chiant les gars, d'avoir un mec c'est une bombe atomique, une meuf c'est une bombasse, c'est chiant. Ah ouais? Oh là là, c'est chiant. Ouais, c'est vrai, c'est chiant. Arrêtez les hypocrites. Bah non, c'est pas chiant. C'est pas chiant du tout, ça kiffe. Franchement, arrête. Nous on est bien où on est, Eric. On est bien, moi je suis contente de ma petite vie. Mais parce que t'as pas le choix. Elle est terrible, Audrey, défends-moi s'il te plaît. Oh bah non, elle a raison. Merci. Retrouvez tous les podcasts du Rico Show sur le site et l'appli Énergie. Et en direct tous les soirs du lundi au vendredi de 20h à 23h. Sur Énergie. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Oh oh oh oh. I'm music, I flows. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki. Una flota como Nagasaki. Prende los motores Kawasaki. En la discoteca ya ni llegaron los Anonaki. No le va a él. Va. Oh, oh, oh, oh. I'm music, I'm flows. Bye. He say he wanna touch it and tease it and squeeze it. But my piggyback is hungry, my nigga, you need to feed it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this Panani is undefeated. Ay. He say he really wanna see me more. I said we should have a date. But I'm a boss, bitch. Who you gonna leave me for? You got no class. You bitches is broke still. I be talking cash shit while I'm popping my gold grill. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. The love be so fake, but the hate be so real. El booty sobresale de mi traje. No traje panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. Could keep it tight every day. And I know you need a taste. Now, ooh, you're falling in love. Give a little ooh, ooh, get it well done. Dancing on my ooh, make a girl wanna run. We keep moving till the sun come up. Porque I am the party, it's a fiesta. Blow out your candles and have a siesta. We can try, but don't know what can stop me. With my talkie-talkie, won't skip my talkie. si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. Comme ça, écoutez le nouveau Jason Derulo qui arrive dans 2-3 minutes sur NRJ, c'est trop cool. Il y aura Maroon 5 également. Et avant, voici un passage que j'aime chez Koé sur NRJ, c'est pour vous. 17h-20h, c'est Koé sur NRJ. Voici les champions du monde de l'actu. Allez. Ah, le premier champion du monde, il est à Valenton dans le Val-de-Marne. Un homme de 30 ans qui détenait un lionceau illégalement dans son appartement. Il était connu de la police, ils l'ont trouvé caché dans le placard, le lionceau, hein, pas le mec. Les policiers ont découvert l'existence de l'animal grâce à des vidéos. Le gars, il se baladait avec les vidéos sur les réseaux sociaux et il voulait le vendre autour de 10 000 euros. Okay. Franchement, les amis, qui achèterait une lionne, de vous à moi? Parce qu'adulte, ça pèse 150 kilos, ouais. Ça bouffe 35 kilos de viande par jour. Oui, la moitié de ce que bouffe Jeff, mais quand même, oui, c'est énorme. J'ai pas, toujours pas compris, j'ai pas la réponse. Si vous avez la réponse de ce qu'on peut faire avec ça, dites-le nous. Deuxième champion du monde, un motard qui vient d'être condamné à 6 mois de prison, 33 000 euros d'amende après avoir été flashé. Écoutez bien, 64 fois en 11 mois en Corse, il pensait échapper au radar parce qu'il avait masqué ses plaques. Son record, c'était 235 km/h sur une route limitée à 70. Là où il est pas malin, c'est qu'il roulait sur un modèle assez rare de moto, d'où les gendarmes le retournaient et ils le retrouvaient. Ils se sont aperçus en plus que la moto n'était pas assurée et qu'il conduisait sans permis. Ah, la Corse. La totale, quoi. Mais non, mais je vous embrasse, mes amis Corse, je vous embrasse. Il y a 2 ans d'enquête pour les retrouver en plus, hein. 2 ans d'enquête quand même. Les mecs, ils se sont rendus compte qu'il avait un modèle spécial, mais ils ont mis 2 ans à le retrouver. En plus, à mon avis, les gendarmes, ils ont dû aller le chercher dans le village, ils ont demandé au patron du bar s'il le connaissait.

pas fait ce qui plaisait pourtant. Tant de déjà fait, tous ces beaux paysages là, je peux s'en moquer. Mais pousser les nuages, nous devons y pas. Ces pensées à lever sur cette lune les yeux, pour que nos plumes s'émeuvent et rendent fortune à nos têtes pleines de brume. Ceci n'est pas un au revoir. C'est plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur, sans peur du ciel, oh, ni d'éternel. Non, non, non, le temps a abjuré, sans peur du sel, le naturel. D'une note passée, penser à lever sur cette lune les yeux. Et rendre fortune à nos têtes pleines de brume. Ceci n'est pas un au revoir. Je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur. Ah, ah. Ceci n'est pas un au revoir. Je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire. Et si tu as peur du cadran, oh, regarde bien tous ces gens. Ce n'est pas un rêve, c'est la vie. Ceci n'est pas un au revoir. Je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur. Ah, ah. Ceci n'est pas un au revoir. Ah, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur. Quasiment le week-end aujourd'hui, vous êtes sur Énergie, c'est l'horoscope de ce vendredi 26 octobre. Énergie, l'horoscope. Ouais, j'étais plus sûre de la date. Alors les béliers, que vous soyez en couple ou célibataire, vous prendrez tout au pied de la lettre et vous aurez tendance à réagir de façon plutôt agressive. Taureau, la situation risque de déraper, de générer de multiples frustrations. Gémeaux, si vous êtes en couple, vous pourriez avoir certaines tentations et avoir envie d'aller voir ailleurs. Ah ouais, sympa. Cancer, la sagesse est de mise. Attention à vos affaires, ne laissez pas sans surveillance ou assurez vos arrières au bureau. Bref, prudence et concentration sont nécessaires. Lion, vous exprimez vos sentiments sans difficulté, que du bonheur pour les couples et les célibataires qui devraient avoir des possibilités de rencontre. Les vierges, écoutez-vous, votre corps tire une sonnette d'alarme et votre subconscient vous indique que vous avez besoin de repos. Les balances, des opportunités pointent, des offres vous seront faites ou bien un entretien se soldera par une embauche. Les scorpions, essayez de ne pas tout prendre au pied de la lettre, vous êtes à cran et incapable de voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Les sagittaires, côté cœur, vous êtes en pleine remise en question, vous faites une fixation sur une simple remarque de votre partenaire et vous n'osez pas lui en parler. Les capricornes, pour votre plus grand plaisir, les débats seront constructifs et le travail d'équipe sera efficace. Les Verseaux, vous serez un vrai caméléon ce vendredi au travail. Vous réussirez à passer à travers tous les obstacles avec une aisance impressionnante. Et enfin, les poissons, une agréable nouvelle pourrait bien venir agrémenter votre journée et surtout vos comptes en banque. Bon, c'est bon, on finit sur une bonne ambiance au moins. Surtout aussi avec le best-of de Manu dans le 6-9 sur Énergie qui continue. Je l'adore Manu. Il arrive à 6h pile sur Énergie pour vous réveiller. Au top, vous restez avec moi, Calvin Harris, c'est là aussi pour ce réveil sur Énergie. Hey, wild things you do in the night, trips to wherever feels right, drugs just aren't suiting you right, you were just fine as a real thing, thing. Over me, I don't know what you're saying. You know that's not the way to get over me. All I ever said till you said you don't want me now.

merci énormément d'écouter Énergie. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous voulez avoir plus d'argent sur votre compte? Alors c'est simple, vous écoutez Manu dans le 6-9 sur Énergie tout à l'heure à 6h du mat. Il doublera votre salaire à 7h05 et 8h05. Et pendant qu'on écoute un extrait de l'émission, inscrivez-vous sur l'appli Manu dans le 6-9 ou énergie.fr. Manu dans le 6-9. C'est rigolo. Tous les matins sur Énergie. Voici, comme chaque matin, les infos de Glandu, l'homme qui donne des réponses aux questions que personne ne se pose. Les habitants de Taïwan sont tous potentiellement riches. Pourquoi? Parce que là-bas, tous les tickets de caisse sont aussi des billets de loterie. Oh, wow. Comment ça? En fait, c'est une loterie qui a lieu toutes les semaines et à laquelle vous pouvez gagner jusqu'à 280 000 euros. Wow. Et ça a été mis en place dans les années 50 pour éviter la fraude aux taxes. Et en fait, du coup, ils se sont dit, bah, qu'est-ce qu'on va faire pour que les gens aillent plus vers des magasins légaux? On va mettre sur des tickets de caisse un billet de loterie. Mais tous les magasins? Tous les magasins, t'as ton ticket de caisse, tu vas au McDo, tu vas n'importe où, t'as un petit numéro et c'est ton ticket de loterie. C'est génial. Tu peux tirer au sort. C'est cool, hein? Bah ouais, c'est pratique, tu joues au loto sans avoir à dépenser d'argent. Bah c'est ouais. Ça, voilà. Oh, bravo. On devrait faire pareil. Faire attention à ne pas perdre son ticket, t'imagines? Effectivement. Bien vu. Effectivement, oui. Paulette, on ne peut rien te cacher. Encore une affaire résolue par l'inspecteur Paulette. Mais décidément, c'est quand même assez incroyable, ça. Bien vu. Aujourd'hui, l'inspecteur Paulette se poche sur une étrange enquête. L'enquête que les journalistes eux-mêmes ont nommée le ticket de l'auto perdu. Après des années et des années d'enquête, elle a retrouvé les traces d'ADN, elle a cherché. Ouais. Et elle en est arrivée à cette conclusion. Kay, quand tu joues au loto, il faut pas perdre ton ticket. Une info animaux pour continuer. Un bébé hippopotame fait entre 40 et 50 kilos à la naissance. C'est beaucoup. Ouais, c'est comme Paulette, quoi. C'est le même poids. Enfin, tu connais mon poids, toi? Non, mais c'est quasiment pareil, 40 et 50 kilos. C'est dans ces eaux-là, quoi. Je fais entre 40 et 54. Voilà. Paulette, c'est génial. Ouais. D'habitude, les filles, vous baissez votre poids. Toi, tu. Je pensais que t'allais me dire entre 40 et 45. Et 54. Mais je peux pas. C'est trop maigre. Lui, il fait ce poids-là pour 30 cm de long. Vous vous rendez compte? 30 cm de long, il fait entre 40 et 50 kilos, wow. L'hippopotame. Ah oui, ouais. Il est mastoc, hein. Ouais. Et après, il atteint jusqu'à 3500 kilos à l'âge adulte. Oh. Là, il prend aucun kilo. Quoi. Le premier qui dit comme Paulette, je le viens. Tu l'as dit. Et on finit par un pays incroyable, c'est l'Américain Kevin Bao qui a créé sa propre micronation qui est composée juste de sa maison et son jardin de 5200 m². Mais comment tu peux faire ça? Il a créé lui-même un pays. Il est où? C'est aux États-Unis dans le Nevada et il l'a appelé la République de Molossi. Et à la base, c'était un peu une blague, mais c'est devenu un truc super sérieux. Il y a un poste frontière et tout, et il y a 10 touristes par an qui visitent le pays. C'est pas mal, 10 touristes par an. Mais attends, tu peux vraiment faire ça? Tu peux créer un pays? Ah, tu peux vraiment faire ça et tu peux mettre que tu veux. Lui, les seules règles qu'il a mis, c'est l'interdiction des armes à feu et des oignons. C'est les on peut en France? Tu peux créer, ouais. Il y avait un père aussi qui avait créé pour sa fille. Il avait créé une république et il l'avait mis princesse. Mais il faut créer la république des ouin-ouin. Ah ouais, on va se renseigner. Mais alors là, franchement, je pense qu'il y a pas mal d'années de démarche quand même. Mais on a le temps. Okay, on a le temps, Glandu, mais je te mets sur le coup. Ah bah allez, voilà. Si on peut créer un pays, genre dans mon jardin. On crée un endroit, c'est un pays et tout, avec une frontière, des gardes, des barrières qui se lèvent et tout. Eh ben, c'est quoi, je m'y mets dès aujourd'hui. C'est génial, on exportera des trucs qu'on fait et tout. Ouais. Oh, génial, on va faire un pays. Avec un passeport. Évidemment, tu seras le président du pays. Non, je serai le dictateur. Ah ouais. Ok. Alors, oui, toi, tu vas finir en prison, toi. Tout à l'heure, 6h, 9h30. Énergie. C'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Sitting on my chest, I don't know what I'd do without your comfort. If you really go first, if you really left, I don't know if I would be alive today. With or without you, like night and day, we didn't repeat every conversation. Being with you every day is a Saturday, but every Sunday you got me praying. Don't you ever leave me? Don't you ever go? I've seen it on TV. See your face light up my phone. never see you singing tiny dancer. Every time my head hurts, every time I'm low. Cause I don't know if I would be alive today with or without you like night and day. Everything about you uncomplicated. Here with you every day is a Saturday, but every Sunday you got me praying. Don't you ever leave me, don't you ever go. I've seen it on TV, I know how it goes. Even when you're angry, even when I'm cold. Don't you ever leave me, don't leave me alone. Don't leave me Nacho. Moi, je m'appelle Marie. Bonjour tout le monde. Énergie, météo. Et c'est la météo de ce vendredi. On est bientôt le week-end et puis c'est les vacances scolaires. Alors profitez bien. Et pour la météo, les températures, elles sont en baisse sur le nord de la France. Le reste de la France, ça ira à peu près, même si on n'est plus non plus sur un été indien. Les minimales varient globalement de 4 à 9 degrés. Plus bas sur le nord-est avec 1 à 4 degrés et quelques gelées matinales possibles par endroit. Et plus hautes les températures, de 10 à 16 degrés près de la Méditerranée. Les maximales vont de 11 à 15 degrés sur la moitié du nord du pays et jusqu'à 16, 17 degrés en Alsace et 15 à 24 degrés sur la moitié du sud. À Aix-en-Provence, il fera aujourd'hui 19, pas mal, 20 pour Marseille, 14 à Mulhouse, 12 pour Nantes, 11 à Lille et pareil pour Reims, 13 à Paris, 14 à Biarritz, Bordeaux et en Vendée. Et maintenant, voici du pur bonheur. Voici Maroon 5 sur Energy. Bon réveil tout le monde et bon courage si vous allez travailler. 24 hours.

là là là là. Pour la suite de la playlist Energy, c'est fabuleux. Enfin, une BO de malade du film Energy, A Star Is Born. C'est d'une beauté. Et ben, on l'écoute, le titre de Bradley Cooper et Lady Gaga sur Energy. Mais avant, un dernier passage que vous allez adorer de Manu dans le 6-9. Je l'ai entendu, il est pas loin là, dans les couloirs. 6h sur Energy, c'est le rendez-vous avec Manu. Manu. Manu, il est waouh waouh waouh waouh waouh. 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Quelle est la chose la plus folle que vous avez faite et dont vous vous souviendrez toute votre vie? Je vous rappelle que les deux réponses les plus données quand on pose la question aux gens, c'est un voyage au bout du monde et nager avec les dauphins. Ouais. Mégane, bonjour à toi. Salut Manu, salut Véron. Salut. Donc, quelle est la chose que tu as faite dont tu te souviendras toute ta vie? Alors moi, j'ai tout quitté pour mon mari que j'avais rencontré 3 semaines auparavant sur Internet. Je suis montée un week-end, on habitait à 500 km. Je suis rentrée chez moi, j'ai rendu les clés de mon appart et j'ai emménagé chez lui. Wow. Wow. Wow. Ah ouais. C'est quoi le site sur lequel tu l'as rencontré? C'est pas pour moi, c'est pour mon cousin. Adopte, ça marche bien. Sur Adopte? Ouais. Ah, adopte un mec. Ah ouais. C'est les filles qui choisissent. Et ben, au bout de 3 semaines, t'as décidé de tout plaquer pour lui. Ouais, carrément. J'ai entendu sa voix au téléphone, je savais que c'était le bon. Wow. Ça s'est passé il y a combien de temps? Il y a 2 ans, maintenant. Vous êtes toujours ensemble? Ouais, paxé, et on a acheté une maison. Ah ouais, oh, ouais. Ah oui. Ouais, bien vu, achat ouais. De maison. Ouais, ouais. Ah, bravo, c'est fort. Ah ouais, et on se déplace en hélicoptère. Ah oui. Exactement. C'est ça. Moi aussi, j'aurais tout plaqué. Un peu à 50 degrés, tu vois. Eh ben, tu sais quoi, Mégane, fais-toi plaisir. Bravo à toi. Kelly, bonjour. Bonjour, salut Manu, les Wawin, tout le monde. Quelle est la chose la plus folle que tu as faite dont tu te souviendras toute ta vie? Alors moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai fait le pari avec mon chéri de retaper une vieille écurie, tous les deux, pour y faire notre maison. On y est arrivé en 1 an et 8 mois. Wow. Oh, c'est cool ça. Magnifique. Wow. Alors qu'on rappelle que l'inverse est impossible. C'est, vous n'avez jamais croisé un cheval dire « je vais casser cette maison, je vais en faire une écurie ». C'est là où on est plus fort que les chevaux. C'est vrai, c'est vrai. Bravo à toi Kelly, on te souhaite une belle journée. On va terminer avec Nicolas, bonjour Nicolas. Salut Manu, salut les moins. Quelle est la chose la plus folle que tu as faite dont tu te souviendras toute ta vie? Alors pour moi, j'ai aidé ma femme à accoucher dans un ascenseur bloqué entre 2 étages. Oh. Un gros moment de stress. Oh purée. Et ma fille est arrivée juste quand les pompiers nous ont sortis de l'ascenseur. Wow. Mais c'est-à-dire que vous saviez qu'elle allait arriver, donc vous étiez en train d'aller à l'hôpital et c'est ça, ça s'est bloqué? Oh mais c'est incroyable. Ah, c'est pas fou cette histoire. Non mais statistiquement pour que ça arrive quoi. Ouais. Vous l'avez appelé Otis, votre fille? Oh non. Bah bon, attends, bravo ah ouais. Nicolas. Ouais, c'est cool. Cool. Félicitations. Waouh. Ah bon, moi j'aurais paniqué. Ah oui. Ouvrez l'ascenseur. Ah ouais. Je m'en fous, tu serres les cuisses. Dès 6h. C'est Manu dans le 6-9 qui vous réveille sur Énergie. Crash the- maman m'a dit la vie n'est pas facile, mais plus facile avec un grand sourire. Donc je souris quand j'ai mal à la vie, car maman m'a dit qu'il y a toujours plus maudit. Elle m'a dit donne ça, ça t'en remercie. Vis ta vie comme une jeunesse infinie, tends toujours la main aux plus démunis. Avant d'être important, sois un homme inutile. Elle m'a dit aussi qu'ici tout est fragile. Si tout s'écroule, tu reconstruis, c'est comme ça la vie. Oui, combien de douleurs indélébiles, combien au paradis. On vit avec cette mélancolie, c'est comme ça la vie. Maman m'a dit lay, lay, lay, lay, la, la, la. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Je venais mais surtout qui j'étais. On avait peu mais on savait donner. Elle m'a toujours dit chez nous l'accueil est inné. Sauf ce que tu es te laisse pas colorier. Beaucoup sont morts pour cette liberté. Ne salis pas tout ce qu'on a sué. Mais surtout ne te fais pas marcher sur les pieds. Maman m'a dit le monde il est fêlé. Change avec ton humanité. C'est comme ça la vie. Oui offre le monde à ta moitié et à tes héritiers. Offre ta vie entière à les aimer. C'est comme ça la vie. Maman m'a dit laï laï laï laï la la laï. À la vie, à l'amour. Sur Énergie, 5h55, on est déjà vendredi. Ouais. Oh, c'est le week-end, les amis. C'est le week-end. Ouais. Ah ouais. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas écouté le week-end de Laurie. Ah oui. Ah ouais. Ah bah pour le plaisir, allez, on y va. C'est marrant ce titre parce qu'on écoute toujours que le refrain. Ouais. Ouais, c'est vrai. Je ne sais même plus comment ça fait ailleurs que le refrain. Ah oui. Ouais. Eh bien, on va se faire un petit plaisir. Ah non. Écoutons un peu. Ah oui. Allez. Ah ouais. Putain, tu sens la de rebelle, quoi. Mais carrément, quoi. Faut qu'elle revienne, Laurie, avec ça. Hein. Oui. Là, tu sens le rock, tu sens la puissance, tu sens le... Tu sens la rébellion, quoi. Lève-toi, vas-y. Ouais, sans mal, là. Ouais. 3, 2, 1 0. Ouais. C'est bon quand même, c'est bon. Ouais. 5h56, déjà une minute, ouais, et on a écouté une minute de Laurie, et on s'est fait plaisir. Soyez les bienvenus, on démarre l'émission dans 4 minutes. C'est Manu dans le 6-9, mais avant ça, oui, c'est le club du 5-5-5. Ce club très fermé, mais très ouvert aussi, parce qu'il suffit d'être réveillé pour y être dedans. Pas besoin de mettre des mocassins. Non, pas besoin de montrer patte blanche. Vous êtes les bienvenus tous autant que vous êtes. Tous les matins, dans le petit club du 5-5-5, vous êtes réveillés, et bien soyez les bienvenus. Juste avant de démarrer l'émission, petit plaisir ce matin. Ouais. Gossip avec Heavy Cross. Wow. Trop bien. Ça, ça va vous lancer la journée, le week-end. Bon réveil. It's a cool, cool world to feast on your own. A heavy cross to carry alone. The lights are on, but everyone's gone and it's cool. It's a funny way to make ends meet when the lights are out on every street. It feels like just you. It's already been done, undo it. It takes two.